Actes chapitre 14. Or il arriva qu'étant à Iconie, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent d'une telle manière, qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais ceux d'entre les Juifs qui furent rebelles, émurent et irritèrent les esprits des gentils contre les frères. Ils demeurèrent donc là assez longtemps, parlant hardiment pour le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, faisant en sorte que des prodiges, et des miracles s'opérassent par leurs moyens. Mais la multitude de la ville fut partagée en deux, et les uns étaient du côté des Juifs, et les autres du côté des apôtres. Et comme il se fut fait une émeute tant des gentils que des Juifs, et de leurs gouverneurs, pour insulter les apôtres, et pour les lapider, eux ayant su s'enfuir aux villes de Lycaonie, savoir à Lystre, et à Derbe, et aux quartiers d'alentour. Et ils y annoncèrent l'évangile. Or il y avait à Lystre un homme, impotent de ses pieds, perclu dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché, et qui se tenait là assis. Cet homme ouï par l'épaule, qui ayant arrêté ses yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva en sautant, et marcha. Et les gens qui étaient là assemblés, ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix, disant en langue lycaonienne, « Les dieux s'étant faits semblables aux hommes, sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et même le sacrificateur de Jupiter, qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux couronnés jusqu'à l'entrée de la porte, voulait leur sacrifier avec la foule. Mais les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, ils déchirèrent leurs vêtements, et se jetèrent au milieu de la foule, en s'écriant, et disant, « Ô homme, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes passions que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous convertissiez au Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les siècles passés, a laissé toutes les nations marcher dans leur voie. Quoiqu'il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, et en nous donnant des pluies du ciel, et des saisons fertiles, et en remplissant nos cœurs de viande et de joie. Et en disant ces choses, à peine empêchèrent-ils les troupes de leur sacrifier. Sur quoi quelques Juifs d'Antioche et d'Iconie étant survenus, ils gagnèrent le peuple, de sorte qu'ayant lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il fût mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva, et entra dans la ville, et le lendemain il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après qu'ils eurent annoncé l'évangile en cette ville-là, et instruit plusieurs personnes, ils retournèrent à Lystre, à Iconie et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, et les exhortant à persévérer en la foi, et leur faisant sentir que c'est par plusieurs afflictions, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et après que par l'avis des assemblées, ils eurent établi des anciens dans chaque église, ayant prié avec jeûne, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Puis ayant traversé la Pisidie, ils allèrent en Pamphylie. Ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. Et de là ils naviguèrent à Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu, pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et quand ils furent arrivés, et qu'ils eurent assemblé l'église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux, et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Et ils demeurèrent là longtemps avec les disciples.